Ce soir-là, Jason avait prévu de faire le mur pour emmener discrètement Brenda au Macumba Night. La veille, il était allé sur T-shirt Store pour s'acheter un super T-shirt. Mais en sortant de la maison, il tombe nez à nez sur son père. Et là, c'est le drame. Où est-ce que tu vas comme ça, espèce d'imbécile? J'espère que tu vas pas faire le voyou en discothèque. Retourne dans ta chambre tout de suite avant que je te mette une taloche. Depuis que mon fils l'achète de T-shirts au T-shirt Store, il passe son temps à draguer le minette au lieu de travailler avec son père sur le chantier. Je lui dis, t'arrêtes pas tes conneries tout de suite, je te mets un claque dans ton gueule et je t'abîme ta face. Merde, mon daron. Qu'est-ce que tu fabriques encore, espèce d'imbécile? Tu crois que ton père travaille sur le chantier porque tu passes ton temps à rien foutre? Cette fois, c'est pas um claque que je vais te péter à ton gueule, c'est um cu de truelle. Tu moleques me nervos. Se tu me casses um cabelo de tête avec T-shirt Store, estime um claque de rir les oreilles e estabime ta faces. Pour draguer les minettes, façon chantier. Oh, mademoiselle, meu moleque, je vous offre um verre. Suivi, pá. Vai pro caralho, foda-se. Thank you. We'll be right back. motherfucking bass in your face. Feel my motherfucking bass in your face. We'll be right back. underground of